La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. En matière de santé, les études montrent que les femmes et les hommes ne sont pas logés à la même enseigne, non seulement pour des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons sociales, culturelles et économiques qui ne sont pas toujours prises en compte. Et ces différences de prise en charge ont un impact sur la santé et sur la façon d'être malade des femmes. C'est le dossier de la tête au carré dans un instant avec mes invités qui se sont intéressés de près à cette question. Je reçois dans un instant pour en parler la neurobiologiste Catherine Vidal, Muriel Salle qui est maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Lyon, et Aude Bernheim, chercheuse à l'Institut Pasteur en génétique moléculaire. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages comme d'habitude. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une de la science, Héloïse, un phénomène géologique qui peut sembler un peu étonnant et qui fait l'objet d'une publication scientifique. Oui, on va essayer de comprendre comment la Terre a pu bouger pendant 50 jours au sud d'Istanbul sans que personne ne s'en aperçoive. Enfin, personne sauf les scientifiques. Heureusement. Fanny Boyon réalise l'émission qui a été préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard. Sur France Inter. Les femmes et la santé, là aussi des inégalités, c'est le thème donc de notre dossier dans un instant avec mes invités que je salue, avec moi en studio Catherine Vidal et Aude Bernheim. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et puis en duplex de Lyon, Muriel Salle, bonjour à vous. Bonjour. Catherine Vidal, en matière de genre et de santé, les différences ne sont pas que biologiques, loin de là, c'est ce que vous avez étudié. Oui, il est important de réfléchir à la question de la santé, non seulement en termes de biologie, mais aussi en termes de société. Il existe bien évidemment des différences entre les femmes et les hommes dans la santé qui sont liées à la biologie, aux hormones, aux chromosomes, aux organes reproducteurs. Mais il existe aussi d'autres facteurs qui vont conduire à des inégalités dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. On va les découvrir avec vous tout au long de cette émission. Muriel Salle, justement, ces inégalités, alors ça n'est pas une découverte, c'est une problématique qui existe depuis longtemps déjà. Oui, c'est effectivement une problématique qui s'installe dès la fin du 18e et dès le début du 19e siècle. À partir du moment où un discours médical s'élaborent les stéréotypes et l'idée qu'il y a des différences incommensurables entre les hommes et les femmes sont préjudiciables effectivement à la santé des patients et des patientes. Elle a aussi beaucoup d'exemples à nous donner dans quelques minutes. Aude Bernheim, il y a un vrai défi aujourd'hui à promouvoir cette égalité dans ce domaine précis de la santé. Ah bah c'est sûr que la plupart des gens ne sont pas conscients qu'il y a une telle différence de traitement et du coup beaucoup de sensibilisation et d'action à mettre en place pour pouvoir changer les choses. Allez, on en discute ensemble dans un instant avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Héloïse, aujourd'hui à la une de la science, donc un phénomène intriguant, une faille sismique qui a glissé pendant plus de 7 semaines en Turquie, c'était en 2016, et pourtant ça n'a pas fait les titres de la presse à l'époque. Ah non, loin de là, ni la presse internationale, ni dans la presse locale, pour la bonne et simple raison que personne n'a réalisé ce qui se passait. C'est la presse scientifique qui en parle plus de 2 ans après. C'est la première fois que ce phénomène est remarqué par les chercheurs en Turquie, et il est relaté dans la revue Earth and Planetary Science Letters. Pascal Bernard est avec nous au téléphone pour nous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sismologue à l'Institut physique du Globe de Paris. Alors dites-nous, qu'est-ce que les sismologues ont détecté comme signal en Turquie il y a maintenant plus de 2 ans? Alors ils ont détecté une déformation des roches très lente. Alors ça s'est fait avec un appareil qui s'appelle un extensomètre, qui est une espèce de grand tube dont on mesure les déformations. Ce tube est cimenté dans un forage profond. Mmh. Et quand les roches se déforment autour, eh bien le tube est lui-même comprimé dans différentes directions. Et on mesure sa déformation et on induit qu'effectivement, pendant 50 jours, les roches se sont déformées. Alors, le forage, il s'est déformé de quelques microns, donc c'est tout petit. L'appareil a bien pu détecter, mais ce qui signifie qu'à l'échelle de 10 km, les roches terrestres se sont déformées de plusieurs centimètres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut employer le terme de séisme ou alors non, parce qu'il s'agit complètement d'autre chose? Oui, on peut parler de séisme. On appelle ça souvent des séismes lents. ces séismes-là, en fait, ce sont des, c'est comme des séismes rapides, sauf que au lieu de casser une faille et de faire glisser les deux blocs de part et d'autre de cette faille à grande vitesse, à 1 mètre par seconde, en envoyant plein d'ondes sismiques qui vont arriver en surface et détruire éventuellement des bâtiments, eh bien, les deux blocs de part et d'autre de la faille vont glisser doucement à quelques millimètres ou micromètres par seconde, voire par minute, ce qui fait que il faut un certain temps, une journée, une semaine, un mois, pour faire les quelques dizaines de centimètres de ces séismes. Mais Pascal Bernard, je n'ai pas le souvenir d'avoir jamais parlé de séisme lent dans cette émission. C'est quelque chose de très rare ou au contraire de très banal pour le sismologue que vous êtes ? Alors, c'est devenu assez banal. C'est quelque chose qui a été découvert un peu sporadiquement dans les années 80-90. C'est l'amélioration des réseaux de surveillance géodésique, notamment avec les grands réseaux très denses de stations GPS, d'antennes GPS, qui permettent de se positionner à un millimètre près à la surface de la Terre. Eh bien, ça a permis d'en détecter beaucoup, de plus en plus, notamment depuis les années 2000. Donc, ça fait presque 20 ans qu'on a un catalogue de séismes lents qui augmente d'année en année considérablement et qui nous permet de mieux comprendre ce processus. Alors en pratique, est-ce que ça permet d'évacuer les tensions en douceur ? Est-ce que c'est bien en fait ? C'est un phénomène tout à fait, bénéfique ? Tout à fait, ça évacue les tensions en douceur parce que les deux blocs, au lieu de glisser brutalement l'un sur l'autre, bah, ils vont glisser tranquillement l'un sur l'autre et donc le sol au-dessus va juste se déplacer sans vibration particulière. Le problème, c'est que la zone qui glisse comme cela est limitée. Elle peut faire 1 km², elle peut faire 10 km de long, ou voire plusieurs dizaines de kilomètres de long, mais en bordure de cette zone qui glisse tranquillement, eh bien, il y a les zones de la faille, les zones de contact qui restent bloquées. Et ces zones-là, elles peuvent générer des séismes. Et le fait qu'il y ait eu ce glissement lent dans cette partie un peu particulière de la faille, une espèce de zone savonnée, si vous voulez, en quelque sorte, lubrifiée, eh bien, les zones qui ne sont pas lubrifiées, elles accrochent, mais elles sont chargées encore plus par ce mouvement voisin de la faille qui se relâche. Et donc, ce relâchement de contraintes, de forces tectoniques, se reporte sur les extrémités de la zone qui glisse, et ça augmente la probabilité qu'on ait un séisme sur ces zones. Donc concrètement, ce qui s'est passé en Turquie, ça pourrait être annonciateur d'autre chose ? Tout à fait, ça augmente, ça monte évidemment pas énormément, mais ça augmente de manière assez significative les contraintes sur les failles voisines. Alors la question est de savoir, est-ce que les failles voisines, est-ce qu'elles sont menaçantes elles-mêmes ? Il se trouve que dans la région on est au sud d'Istanbul, à une 50 kilomètres au sud-est d'Istanbul, dans une zone où une grande faille a été reconnue comme potentiellement dangereuse, puisque ça fait plus de 250 ans qu'elle n'a pas cassé et elle est chargée à bloc en quelque sorte. On a prédit sa rupture à l'échelle de quelques décennies. Eh bien, cette petite pichenette supplémentaire peut effectivement la perturber. Cela dit, maintenant on est en 2019, ça fait pratiquement 2 ans et demi, 3 ans après cet événement. Ces effets de déchargement et de rechargement sont assez temporaires. Si la faille ne réagit pas tout de suite, finalement, l'effet s'atténue et il faut attendre que la tectonique des plaques continue son travail pour déclencher les grands séismes. Donc cet effet temporaire est passé, hein, mais la faille voisine continue à se charger. Voilà. Donc ouais. C'est heureusement, ça n'a pas été pour ce coup-là. Pascal Bernard, Héloïse le disait tout à l'heure, 50 jours hein, de séisme lent. Est-ce que c'est du coup, effectivement, dans une zone aussi sensible que la Turquie et le sud d'Istanbul, est-ce que c'est surveillé un peu comme le lait sur le feu quand même ? Alors oui, alors ce qui est étonnant effectivement, c'est le fait que ça n'ait été publié que 2 ans plus tard. Alors c'est pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait il y avait la zone surveillée, elle est un peu plus au nord, elle est sur la faille principale qui traverse la mer de Marmara et qui se rapproche d'Istanbul, à une 15 kilomètres d'Istanbul. Et ça c'est vraiment la zone surveillée avec des stations GPS de positionnement très précis, vous l'avez dit, au millimètre, des sismomètres et d'autres extensomètres. Mais cette zone-là, elle est loin de cet événement, de cette deuxième faille qui est un peu plus au sud. Et du coup, ils sont trop loin pour avoir détecté quelque chose. Il y a juste un appareil qui l'a. Et ça, c'est le problème, c'est que c'est le seul appareil qui l'ait mesuré. Et du coup, probablement, ça a dû ralentir la publication de cet article et aussi empêcher d'avoir une explication simple et complètement fiable de l'endroit où ça s'est produit. Oui, c'est ça, vous le disiez, la façon dont ont été prises les mesures, ça ne nous permet pas de savoir exactement où ce coulissement a eu lieu, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que on fait une mesure en un endroit donné. La source de la perturbation est à, donc, en l'occurrence, il propose à une trentaine de kilomètres de là, parce qu'il y a une petite crise sismique, des tout petits séismes en même temps de ce glissement-là, donc des séismes de magnitude 4, 4,5, donc en gros des failles d'un kilomètre carré qui glissent en faisant des secousses, des petites vibrations non destructrices, et en même temps il y a eu ce glissement-là. Mais ce glissement-là, il correspond, s'il se produit à côté de ce magnitude 4, il correspond pratiquement à un magnitude 6, c'est-à-dire à peu près 1000 fois plus d'énergie, mais une énergie qui se relâche lentement, donc pas dangereuse au niveau des constructions. Alors, mais c'est une hypothèse au sens où, comme on a une seule mesure, le même signal pourrait être produit par une source 3 fois plus près et 30 fois moins énergétique. Simplement parce que le champ de déformation décroît très vite avec la distance. Donc on a plusieurs explications possibles. La plus probable, c'est que ce séisme-là ait eu lieu à côté de ces petits séismes de magnitude 4 qui sont concomitants à ce glissement-là, mais ça peut être décalé. Du coup, le fait qu'on ne sache pas exactement où le problème a eu lieu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas peut-être s'intéresser aux petits villages ou aux villes autour de la faille qui pourraient être dans quelques mois menacées. On est un peu dans le flou sur ce point. Absolument, oui. Alors ce que je ne sais pas, c'est si mes collègues, alors c'est une équipe germane de Turcs, hein, si mes collègues turcs ont installé rapidement des mesures complémentaires pour essayer de suivre les effets de ce glissement-là. Ce glissement-là, il a l'équivalent en déformation, en mouvement de bloc de part et d'autre de la faille, d'un magnitude 6. Autrement dit, si la faille avait cassé normalement, sur cette même surface, on aurait dû avoir des destructions dans les villages voisins. Donc maintenant, cette surface-là, elle est libérée, mais c'est effectivement les aspérités voisines qui sont menaçantes. Et là, on est face à un glissement transitoire. Est-ce qu'il existe dans le monde des failles qui sont toujours en mouvement de manière continue ? Oui, tout à fait. Alors ça, on sait depuis les années 60 que les failles restent bloquées pour l'essentiel dans la partie superficielle de la croûte, disons les 10, 20 premiers kilomètres, mais qu'en dessous, c'est tellement chaud que les failles n'accrochent pas, elles glissent en permanence. Donc on sait déjà depuis longtemps qu'une partie des failles profondes glissent. Mais ce qu'on a découvert dans les années 90 et de plus en plus documenté dans les années 2000, c'est que dans la partie superficielle, là où on s'attendait à ce que toutes les failles soient bloquées, eh bien, il y a beaucoup de failles, beaucoup d'ailes de surface de failles, de parties de failles, qui glissent de manière continue. Alors beaucoup, c'est quand même pas la majorité. Malheureusement, si c'était la majorité, il y aurait beaucoup moins de séismes que ce qu'on a en ce moment. Mais il y a quand même beaucoup d'endroits qui glissent de manière continue. Et ça se mesure très bien avec les réseaux GPS. Hein. Les réseaux GPS se sont développés dans les années 90. Depuis les années 2000, ils se densifient considérablement. Et donc on voit réellement dans les zones, par exemple au Japon, au Chili ou en Californie, dans les zones de failles très actives, on voit la croûte se déformer sans séisme. Et ça, c'est indicatif de ce qui se passe en profondeur, là, ce qu'on savait déjà, mais aussi de ces zones de failles qui glissent vers la surface. Vous l'évoquiez, oui, vraiment, c'est une surveillance à l'échelle mondiale. Est-ce qu'il y a des zones particulièrement sujettes à ces phénomènes dont on parle ? Alors, c'est oui, il y a des zones bien sujettes à ça. C'est pour ça que le séisme de Turquie a été un peu une surprise. C'est que c'était pas vraiment une zone tout à fait sujette à ce genre de transitoire. On les observe beaucoup plus dans ce qu'on appelle les zones de subduction, qui sont des zones de convergence de plaques, où une plaque essaye de passer sous l'autre. Elle reste coincée au niveau de la faille qui résiste, et puis tout d'un coup la faille casse, ça fait un grand séisme. Mais dans certaines parties de la zone de contact de ces failles, eh bien, il y a des zones qui glissent en continu et qui aussi parfois glissent de manière transitoire, un peu comme ce qui a été vu en Turquie, c'est-à-dire que au lieu de se débloquer au cours d'un séisme, eh bien, elles se débloquent sans faire de séisme pendant une semaine, pendant un mois. Elles glissent tranquillement de 10 cm ou de 1 mètre, et ça on peut très bien le détecter avec le GPS. Évidemment, on ne le détecte pas avec les séismes. Parce qu'il n'y a pas de vibration. Merci beaucoup Pascal Bernard. En tout cas, on retiendra que pour évacuer nos tensions en douceur, on peut pratiquer le séisme lent, et ça, finalement, c'est une bonne nouvelle. Absolument. Ah, vous absolument. Êtes d'accord ? C'est pas mal. Et puis, je rappelle également que vous êtes l'auteur d'un livre, Pascal Bernard, qui s'appelle « Pourquoi la Terre tremble ? Ces séismes et tsunamis, comment les expliquer ? Est-ce qu'on pourra un jour les prédire ?» C'est un livre qui est sorti il y a un peu plus d'un an chez Belin et qui, bien sûr, est toujours disponible. Merci à vous Pascal Bernard, à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Héloïse. Merci Mathieu. À demain et dans un instant, notre dossier consacré au genre et à la santé. là, c'est le début. C'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vu. Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu. C'est là que j'ai fondu sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début, sans penser à demain. Royaume suspendu à t'aborder enfin, mais j'ai confondu, c'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début, c'est là que je t'ai vu. C'est là que je t'ai vu. Ses voeux. Moi je commande un train et aussi d'être heureux, seul ou même à deux. C'est ambitieux, trouver le chemin souvent c'est douloureux. C'est douloureux, c'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début, c'est là qu'on fait ses voeux. Qu'on fait ses voeux. Raté, raté, raté, je t'ai raté. Raté, raté, raté, je t'ai raté. Raté, raté. C'est le début, il y aura une fin, mais là c'est le début. C'est là que je t'ai vu. Ta silhouette au loin, c'est là que je l'ai vu. Et tout de suite, tu m'as plu, tu m'as plu. C'est là que j'ai fondu sans penser au chagrin, ne pensant qu'au début, sans penser à demain. Raté, raté, raté, je t'ai raté. Raté, raté, raté, je t'ai raté. Raté, raté, raté, je t'ai raté. Raté, raté. Début, c'était Gaëtan Roussel. La tête au carré sur France Inter. Les inégalités hommes-femmes dans le domaine de la santé, c'est donc notre dossier cet après-midi pour voir comment justement garantir l'accès aux soins sans discrimination. Trois invités pour en parler. Catherine Vidal, vous êtes directrice de recherche honoraire en neurosciences à l'Institut Pasteur. Et depuis 2013, vous travaillez au sein d'un comité d'éthique, du comité d'éthique d'ailleurs de l'INSERM, où vous co-animez ce groupe de réflexion genre et recherche en santé. Muriel Salle, vous êtes en duplex des bureaux de Radio France à Lyon. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire à l'Université de Lyon et vous enseignez également en fac de médecine. Et avec Catherine Vidal, vous publiez ensemble Femmes et santé, encore une affaire d'hommes aux éditions Belin. Et puis, point d'interrogation. Point d'interrogation, évidemment. Et puis Aude Bernheim, vous êtes chercheuse à l'Institut Pasteur en génétique moléculaire et vous êtes cofondatrice de l'association Wax Science qui milite pour une science ludique, ouverte et sans stéréotypes. C'est bien ça. Hein, voilà, ça fait beaucoup. Mais c'est, oui, bien, oui. Ça. Mais c'est pas mal et c'est ambitieux. Catherine Vidal, d'abord un mot sur la vocation de ce groupe de réflexion genre et recherche en santé, donc qui est né au sein de l'INSERM, l'Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale. Qu'est-ce que vous essayez d'y faire exactement? C'est assez original comme démarche, ça. Oui, c'est effectivement original, en toute modestie. L'idée étant de poser un regard éthique sur les sources des inégalités de santé entre les femmes et les hommes. Et comme vous le savez, ces inégalités de santé entraînent des discriminations donc dans l'accès aux soins et la prise en charge médicale. Mmh. Et c'est donc un problème majeur de santé publique. Ouais, comment vous le prenez à bras-le-corps justement ce problème au sein de ce groupe? Alors comment vous opérez? Quelle est votre méthode? Alors déjà, ce groupe est co-animé avec ma collègue qui est politologue, qui s'appelle Jennifer Merchant. Mmh. Et ensemble, nous avons déjà fait l'état des lieux du sujet. On a appris beaucoup de choses quand on a commencé à s'investir dans ce domaine. Et surtout, on s'est rendu compte à quel point il était important qu'il y ait au niveau institutionnel des structures pérennes qui s'intéressent à ces questions de genre et de santé, justement pour avoir des meilleures pratiques médicales, des meilleures pratiques de recherche, évidemment au bénéfice de la santé et des femmes et des hommes. Est-ce que ces inégalités, est-ce que ça a été surprenant pour vous parfois? Est-ce que c'est allé au-delà de ce que même vous pouviez imaginer dans ce domaine? Oui, moi j'ai été très surprise au départ, n'étant pas médecin, qu'il existait dans certains domaines des très mauvais diagnostics, en l'occurrence des sous-diagnostics. Un exemple très parlant est celui de l'infarctus du myocarde qui est sous-diagnostiqué chez les femmes, c'est-à-dire qu'à symptômes égaux, une femme qui se plaint de douleurs dans le thorax se verra prescrire des anxiolytiques, alors qu'un homme sera orienté vers un cardiologue. Ce qui est quelque chose qui paraît invraisemblable de nos jours, mais qui, hélas, est encore bien vivace. Et l'exemple en miroir, c'est l'ostéoporose, qui est à tort considérée comme uniquement une maladie de femme ménopausée. Ouais. Or, un tiers des fractures de la hanche sont dues à l'ostéoporose chez les hommes. Chez les hommes. Donc ça va aussi dans les deux sens, absolument, hein, évidemment. Absolument. Alors, vous avez mis au point des petites vidéos, justement, d'une minute à destination du grand public et des médecins, parce qu'il y a vraiment besoin de sensibiliser sur la question autour de cette thématique. Et on va écouter justement la vidéo consacrée aux maladies cardiovasculaires. Comment allez-vous? Docteur, je ne me sens pas bien. Toujours fatiguée, pas en forme. Avec son travail, ses enfants, c'est normal qu'elle soit fatiguée. Je vous prescris des vitamines, un peu de repos, et vous verrez, ça ira mieux. Bonjour, qu'est-ce qui vous arrive? Docteur, je ne me sens pas bien. Toujours fatiguée, pas en forme. Cet homme est très stressé par son travail. Votre fatigue est à prendre au sérieux, je vous envoie chez un cardiologue. Mais attention aux clichés! Les troubles cardiaques représentent la première cause de mortalité chez les femmes, bien avant le cancer du sein. L'infarctus du myocarde est sous-évalué chez les femmes car il est considéré comme une maladie masculine caractéristique des hommes stressés au travail. Pour faire des diagnostics plus justes et mieux soignés, méfiez-vous des clichés sur les maladies des hommes et des femmes. C'est donc ça, parler de genre. Voilà, Aude Bernheim, un commentaire sur cette vidéo que vous découvriez en même temps que nous là à l'antenne. C'est extrêmement déprimant quand même. Enfin, j'espère que c'est pas aussi cliché quand les médecins reçoivent les patients, mais malheureusement dans les chiffres, on voit que ça se passe un peu comme ça et qu'il y a des statistiques qui montrent que même si c'est pas à ce point-là stéréotypé, on a quand même des gros soucis dans cette direction. Ouais, il faut mettre un petit peu de guillemets, Catherine Vidal, sur les stéréotypes là ou pas? Les stéréotypes, comme tous les stéréotypes, hein, ils sont souvent très inconscients et très intériorisés. Donc il faut en permanence faire un travail d'information, information auprès des personnels soignants, également auprès des personnes qui font de la recherche biomédicale, et aussi information auprès des patients. Et ça, c'était l'objectif de ces courtes vidéos, hein, ce sont des petits clips d'une minute, il y en a 6. Quelque part, il faut apprendre aux femmes à faire vérifier leur cœur et apprendre aux hommes à faire vérifier leur squelette. Muriel Salle, pour vous peut-être ce message d'auditeur, c'est Patrice qui nous dit ceci. Est-ce qu'on constate une grande défiance des patients vis-à-vis des médecins du genre opposé lors de consultations, notamment quand il s'agit d'examens relatifs à la sexualité? Alors, est-ce que vous avez un élément de réponse? Vous n'êtes pas médecin, hein, vous êtes maître de conférence en histoire, maîtresse de conférence, pardon. Maîtresse, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Patrice? Je ne suis pas du tout certaine qu'il y ait une grande défiance des patients vis-à-vis des médecins pour des raisons qui soient que le médecin est une femme et le patient est un homme ou inversement. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a parfois des difficultés de communication entre les patients et les médecins et qui tiennent notamment au fait, vous avez commencé à bien le dire, que les uns et les autres ont des cultures et notamment des cultures professionnelles qui sont pas du tout les mêmes et que ça porte préjudice. On n'ose pas tout dire à son médecin quand on est patient et peut-être effectivement que quand on est une femme, et puis on pourrait rajouter une femme des classes populaires face à un médecin spécialiste un peu autoritaire, un peu paternaliste, peut-être qu'on modère certaines de ses plaintes parce que on craint d'être regardé un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme une femme qui pleurniche peut-être un peu trop aisément. Oui. Aude Bernheim, au sujet justement des stéréotypes, vous le disiez tout à l'heure, il y a un besoin d'information très fort, autant du côté des hommes que des femmes elles-mêmes d'ailleurs, que ce soit les médecins femmes ou les chercheuses par exemple. Bien sûr. En fait, pour moi, il y a un concept qui s'appelle la menace du stéréotype qui est extrêmement important, qui est celui que, quel qu'on soit, patient, médecin, on va essayer de se conformer à un certain stéréotype et de le valider. Et du coup, les femmes auraient tendance à être plus sensibles, à se plaindre, à quoi que ce soit. Et du coup, on va leur dire « Ah non, mais votre douleur, c'est rien du tout. » Elles vont se dire « Ah oui, je suis une femme. » Inconsciemment, tout ça, hein, c'est pas des pensées conscientes. « Je suis une femme, je souffre plus facilement. C'est sûrement vrai que j'ai pas vraiment mal. » Et il faut apprendre à avoir conscience que c'est pas le cas et à s'écouter. Et du coup, dans ces cas-là, pour les femmes patientes, même si c'est triste et qu'elles devraient pas avoir le faire, de pousser à essayer de voir s'il y a pas d'autres choses qui sont là derrière. Et de la part du corps médical, c'est encore un milieu qui est extrêmement imprégné de sexisme. C'est bien connu. Il y a eu d'ailleurs un rapport, je crois, d'interne récemment, qui a été réalisé, qui montrait que c'était extrêmement marqué par cela. Et bien sûr, ce type de comportement va quand même renforcer un certain nombre de stéréotypes inconscients dans la façon dont ensuite pourront être diagnostiqués un certain nombre de patients. Oui, mais ça peut être très grave quand même, Catherine Vidal. Oui, je voulais rebondir dans ce domaine de la santé, évidemment. Voilà, ouais. Un exemple par rapport au fait de se plaindre et d'être considérée comme une femme hypersensible. La question de l'endométriose, qui est une maladie qui est maintenant reconnue en tant que telle et donc on commence à comprendre les mécanismes. La muqueuse utérine, dans certains cas, peut proliférer à l'extérieur de l'utérus et au moment des règles, cela entraîne des douleurs extrêmement violentes. Or, très longtemps, on a dit « Oh, mais c'est normal d'avoir des douleurs pendant ces règles ». Eh bien non, ce n'est pas du tout normal. On peut avoir quelques sensations douloureuses, mais avoir des douleurs à ce point-là, ça relève d'une pathologie qui maintenant est reconnue, mais c'est long, c'est long. Muriel Salle, à quel moment remonte ce cliché autour du sexe faible, justement ? Alors, la construction d'une nature féminine, c'est l'expression consacrée, va de pair avec l'idée du sexe faible, elle date de la fin du XVIIIe siècle. Et les explications historiques sont d'ailleurs assez intéressantes parce qu'on voit que la santé est quelque chose de fondamentalement politique. Pour expliquer la chose en deux mots, en fait, on sait que la Révolution française ouvre un certain nombre d'espoirs d'émancipation. On peut rappeler, par exemple, que le divorce est autorisé dès 1792, et qu'assez rapidement, les espérances qui se sont manifestées vont être déçues. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle proclame que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, et ça concerne les hommes, mais ça concerne pas les femmes. Et donc, du coup, l'émancipation a l'air de pointer son nez. Le Code Napoléon ferme assez vite la parenthèse en 1804. Et donc, il y a forcément des femmes qui sont un peu déçues de cette porte qu'on leur claconnait. Et donc, il va falloir sortir tout un discours médical qui va s'élaborer à ce moment-là pour finalement justifier ce retournement de situation. Il va falloir déployer tout un discours qui invalide les femmes pour fonder un discours, on va dire, sur la science moderne et installer l'idée que parce que c'est en nature que se fonde l'égalité des hommes, c'est en nature que se fonde l'incapacité des femmes à l'égalité. Et donc, on installe cette idée-là que la nature des femmes les exclut évidemment d'un certain nombre de choses, depuis les études jusqu'à l'exercice des droits politiques. Et ça passe par des discours médicaux extrêmement invalidants, des centaines de pages qui sont écrites sur des maladies de femmes, alors qu'il n'y a pas une page sur les maladies qui seraient des maladies d'hommes. Femmes et santé, est-ce encore une affaire d'hommes, justement, dossier de la tête au carré cet après-midi. quand j'ai sa fibre. Faut que je et ça gêne quoi quand il y a pas de plaisir. C'est comme ça. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Je peux pas t'abandonner mon bébé. Je veux pas nous achever, tu sais. C'est pas que je veux tenir, mais que je veux m'enfuir. Il me faut m'en recevoir. Lerita Mitsouko, c'est comme ça sur France Inter. La tête au carré, Mathieu Vidard. Catherine Vidal-Muriel Salles a publié ensemble cet ouvrage « Femmes et santé, encore une affaire d'homme ?» d'interrogation, effectivement aux éditions Belin, dans cette collection Égal à Égal. Et puis Aude Bernheim est également avec nous pour l'Institut Pasteur et l'association Wax Science. Et vos messages qui arrivent sur franceinter.fr. Les témoignages qui arrivent également sur le site de l'émission. Catherine Vidal-Véronique qui nous dit ceci. « Un an avant de faire mon infarctus à 35 ans, le cardiologue m'a dit que je faisais de la déprime. Aujourd'hui, à 38 ans, je ne me remets pas vraiment très bien. Toujours des douleurs qui sont dites psy. » C'est incroyable parce que ça persiste après même le diagnostic. Oui, hélas. Et après même l'accident. Oui, cet exemple, on voudrait ne pas entendre ce genre de choses, hein, mais ça, c'est toujours une réalité, non seulement en France, hein, mais ailleurs en Europe et aux États-Unis. Et d'où l'importance de faire un travail fondamental dans la formation des étudiants en médecine, mais aussi la formation continue auprès des médecins. Et ces sujets-là, il faut les aborder de front, ce sont en fait des problèmes majeurs de santé publique. Bien sûr. Les invalidités suite à des problèmes cardiaques ou suite à des fractures... Et suite à des mauvais diagnostics aussi. Absolument, sont des problèmes majeurs de santé publique. Et il est vraiment important d'avoir un effort d'information, donc, et des personnels spécialisés, et comme on en parlait tout à l'heure, des patients. Muriel Salles, alors ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que vous l'inscrivez aussi dans un contexte historique, on le disait tout à l'heure, à la lumière aussi des mouvements féministes, parce que cette question-là, et ces revendications-là, elles existent quand même depuis plusieurs décennies maintenant. Oui, absolument, c'est une partie de l'histoire des mouvements féministes qui est assez mal connue, mais dans les années 70, au moment où les mouvements féministes se manifestent aux États-Unis et par la suite en France, effectivement, il y a une partie du mouvement féministe qui porte des revendications qui ont trait aux questions de santé. santé, et notamment un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour la santé des femmes, mmh. qui va mettre en avant un certain nombre de choses. La première, c'est que il y a une fabrication du savoir médical qui prend le masculin comme la norme et qui conçoit toujours le féminin comme l'exception. Mmh. Et c'est intéressant parce que les féministes des années 70 disent les choses pour la science médicale, alors que finalement Beauvoir avait dit la même chose en 49 dans d'autres domaines. Donc on voit que c'est quelque chose qui concerne la science en général, la science médicale n'en étant qu'un exemple. Mmh. Et puis ces féministes des années 70, elles vont beaucoup porter la question sur des questions qui sont liées à la santé reproductive, à la médicalisation de la grossesse et de l'accouchement, et puis ensuite à la médicalisation de la ménopause. Mmh. Et elles vont dire que les femmes ont des savoirs sur leur corps, ou doivent en tout cas avoir des savoirs sur leur corps, et elles vont veiller à produire et à diffuser ces savoirs en horizontalité, entre militantes, en se passant finalement du pouvoir médical qui est perçu comme surplombant et patriarcal, pour utiliser la terminologie de l'époque. C'est assez affligeant quand même, Muriel Salles, parce que là on parle d'une histoire qui date de près de 50 ans maintenant quand même, hein, ce que vous décrivez. Alors, là. Je suis bien d'accord avec vous, mais une histoire de près de 50 ans, mais qui est en fait une histoire très mal connue. Donc voilà, les histoires qu'on ne connaît pas, elles ne produisent pas les effets qu'on pourrait espérer. Et c'est la raison pour laquelle, moi, c'est une partie de l'histoire que je veille à expliquer et à enseigner, notamment aux étudiantes et aux étudiants qui s'inscrivent en faculté de médecine ici à Lyon. Qu'est-ce que vous disent les étudiantes d'ailleurs quand elles apprennent ces faits au sein même de la recherche et de la santé? Est-ce qu'il y a beaucoup de surprises? Et il y a beaucoup d'incrédulité, oui. Ouais. Il y a beaucoup d'incrédulité qui tiennent notamment au fait, vous l'avez dit tout à l'heure, que je ne suis pas médecin. Et donc, du coup, il y a quand même une question de légitimité. Ah. En quoi suis-je légitime à porter, on va dire, à croiser le fer, en quelque sorte, avec un grand professeur de cardiologie, voilà. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup d'incrédulité, parce qu'il y a aussi une forme de révérence par rapport au savoir scientifique qui est perçu comme quelque chose d'objectif. Or, vous l'avez très bien dit dès l'introduction, l'idée, c'est de dire que les stéréotypes, ils imprègnent les savoirs, ils imprègnent les soignants, le corps médical, au même titre qu'ils imprègnent les patients et les patientes. Et leur santé. C'est pas, voilà, c'est pas faire de l'hyper-relativisme que de dire que la science, c'est un état actuel des connaissances, et en l'état actuel des connaissances, les stéréotypes prennent une part importante dans la connaissance scientifique. Alors, en tout cas, le masculin comme la norme, justement, dans le domaine de la recherche, ça c'est intéressant, voilà. Parce qu'on voit, quand on étudie les choses de très près, à quel point la recherche est biaisée aussi par ces questions-là. Hein. Donc ça, ce qui est très intéressant d'en prendre le masculin comme la norme, c'est qu'au-delà du diagnostic, dans la recherche, qui est quelque chose de moins connu et qui commence à être mis au jour récemment, ça fait qu'une dizaine d'années, je dirais que c'est des sujets qui émergent de façon très importante dans la recherche biomédicale, le masculin est considéré comme la norme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les études, par exemple, de toxicité de certains médicaments sur des modèles animaux vont être faites sur des rats mâles. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à manipuler, parce qu'il n'y a pas de cycle hormonaux, du coup, on va avoir moins de variations, ça coûtera moins cher. Sauf que si on étudie que sur des rats mâles, on va passer à côté d'effets secondaires. Et il y a eu des études qui ont montré qu'une partie des médicaments qui étaient retirés du marché américain entre 97 et l'an 2000, une grande partie était en fait retirée parce qu'il y avait des effets secondaires chez les femmes qui n'avaient pas été vus avant. Parce que ces médicaments étaient testés sur des hommes et qu'ensuite, au niveau des essais cliniques, là encore, il y allait avoir beaucoup plus d'inclusion de patients mâles pour simplifier les choses et pouvoir avoir des résultats qui allaient moins varier. Or, passer à côté du sexe comme variable dans la recherche est un énorme problème. Et depuis 2012, maintenant, l'équivalent de l'INSERM américain est en train de forcer les chercheurs à prendre ça en compte. Ouais, mais dans les études cliniques, par exemple, là, on a quand même des quotas hommes-femmes qui sont équivalents, j'imagine, quand même, non? Pas forcément, non. Ah bon? Enfin, il y a quand même eu beaucoup des progrès dans ce domaine-là. Hein, parce qu'on ne peut pas tester un médicament en clinique sans prendre une population d'hommes et de femmes. Bon, il y a, au départ, ça a été l'objet d'une loi votée par le Congrès aux États-Unis en 1993, qui justement donnait plus que des directives, mais une obligation pour les organismes de recherche et d'évaluation des médicaments d'inclure dans les essais cliniques à la fois des femmes, des hommes et des personnes des minorités ethniques. Mmh. Ensuite, à partir des années 2000, l'Organisation mondiale de la santé et de nombreux organismes ont fait en sorte qu'il y ait des directives très vraiment sérieuses et avec des contrôles qui fasse que dans les essais cliniques, on inclut bien sûr des femmes. Bon, on peut dire qu'il y avait un réel danger dans les années 2000. Hein, ce dont vous parlez, c'est à savoir que certains médicaments ont été retirés du marché. En fait, ils ont été retirés du marché principalement parce que c'était des médicaments prescrits uniquement à des femmes. C'est pas parce que les femmes avaient des effets secondaires et que les hommes n'en avaient pas, c'est parce que c'était les femmes qui recevaient ces médicaments comme ça, certaines pathologies pouvaient le demander. Mais pour terminer avec cette histoire d'essais cliniques, globalement, il y a environ 33% dans l'ensemble des essais cliniques, que ce soit chez nous, en Europe ou ailleurs, il y a environ 33% de femmes dans les essais cliniques. Oui. Et pourquoi pas 50%? Enfin, ça paraît quand même inouï, non? Alors, pour des raisons également pratiques, hein, quand vous faites des essais cliniques, ce sont des essais qui durent dans le temps, qui peuvent durer plusieurs mois. Et avoir des femmes, sauf les femmes qui sont sous contraception, hein, parce que bien sûr qu'on prend des femmes sous contraception, mais il peut aussi y avoir des femmes qui ne sont pas sous contraception ou bien qui décident qu'ont un projet de maternité. Et à ce moment-là, ces femmes seront retirées de l'essai clinique, ce qui va faire que la population de femmes va être moins importante. Oui, mais donc on l'admet ça. On part du principe que finalement, avoir seulement 33% de femmes, c'est quelque chose de quasiment normal. Oui, mais vous voyez, c'est pas parce qu'il y aura... un jour... Est-ce que vous ne seriez pas victime vous-même d'un stéréotype Catherine Vidal de genre? Non, ce que je veux dire, c'est que dire il faut à tout prix 50% d'hommes et de femmes dans des essais cliniques, certes, c'est un joli objectif, mais ce n'est pas ça non plus qui va résoudre le problème des inégalités de santé entre les femmes et les hommes, qui, comme on l'a dit, sont dues non seulement à des problèmes de biologie, certes, évidemment, il n'y a pas question de le nier, mais également à des problèmes d'origine sociale, culturelle et économique. Hein, ça, je crois que c'est un sujet très important. La question de la précarité. Hein. Exactement, parce que la précarité, ça veut dire des faibles revenus, vont entraîner un renoncement aux soins. Ça va aussi entraîner des hygiènes de vie pas toujours idéales, des consommations d'aliments un peu trop gras parce que pas cher, des consommations d'alcool, de tabac. Tout ce contexte va entraîner une mauvaise santé liée directement à une précarité économique. Et bien sûr, il y a un autre aspect qui est que non seulement les femmes sont les premières travailleuses pauvres, hein, 70% des travailleuses pauvres sont des femmes et souvent ce sont des familles monoparentales, vraiment en grosse difficulté. Et il y a aussi un aspect qui est que les femmes aussi sont, comme vous le savez bien, les premières victimes de violences. Et les violences, évidemment, se répercutent sur la santé des femmes. Muriel Salle, vous souhaitiez réagir depuis Lyon. Oui, effectivement, simplement pour compléter sur cette histoire, peut-être de cette idée un peu loufoque d'une revendication de la parité en santé. Oui. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, ça... Effectivement, il n'y a pas d'obligation réglementaire qui imposerait d'inclure des femmes dans les essais cliniques à parité avec les hommes. Mais en soi, c'est pas dramatique. Ce qu'il faudrait en fait simplement obtenir, c'est une représentation des femmes en proportion de la prévalence de la maladie chez les femmes. Et ça, pour la peine, ça aurait davantage de sens qu'une revendication paritaire qui serait seulement idéologique. Et puis la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est pour rebondir sur ce que disait Aude Bernheim tout à l'heure, sur l'inadaptation supposée d'un certain nombre de médicaments aux femmes, qu'effectivement, il y a une étude qui date un peu, qui a beaucoup circulé sur cette question-là, où on a mis en avant l'idée que, en fait, grosso modo, sur 10 molécules qui avaient été retirées du marché américain, 8 l'avaient été en raison d'effets secondaires plus importants chez les femmes. Oui. C'est une étude qui est très discutée, notamment parce qu'en fait, elle repose sur le fait qu'on parle d'effets secondaires rapportés. Donc là, il y a un premier biais, et c'est pour ça qu'il faut regarder les choses dans le détail, parce que les choses sont compliquées. Oui. Le premier biais, il est là, c'est que les femmes rapportent plus d'effets secondaires que les hommes, pour la simple et bonne raison, pour commencer, que les femmes consultent davantage que les hommes, par exemple. Donc, elles sont davantage chez le médecin. Donc, forcément, elles expriment plus de choses par rapport aux effets secondaires. Mmh. Et puis, Catherine l'a bien dit aussi, on parle de médicaments. Les médicaments incriminés dans cette étude sont des médicaments qui sont plus souvent prescrits à des femmes. Donc, mécaniquement, les femmes sont davantage touchées par les effets secondaires. Et puis, pour terminer, certains des effets secondaires dont on parlait étaient notamment un ralentissement du cœur chez les femmes âgées. Et là, pour la peine, quand on fait une lecture purement biologisante, plaintes. On dit les femmes supportent mal ces médicaments, alors qu'en fait, ce dont on parle, c'est pas seulement de femmes, c'est de femmes âgées qui éventuellement prennent d'autres médicaments. Donc il y a la question de l'interaction médicamenteuse, qui est un des facteurs explicatifs de ces effets secondaires. Il y a aussi l'idée que certaines de ces femmes âgées font un mauvais usage des médicaments, et donc il faut prendre garde en fait à ne pas avoir une lecture qui soit trop binaire. Donc une revendication de parité ou une revendication pour dire les femmes sont biologiquement différentes, c'est en réalité plus complexe que ça. Femmes et santé, est-ce encore une affaire d'hommes, justement, dossier de la Tête au Carré cet après-midi. Started when you were year above, before I had a favorite love, before back when I adored but now I'm fearing love, before every other fella I was hearing love, back when the day would fade to grey when you were clearing love, cause now I only made love if I meant love. You wasn't in love, then what'd you think, love? Thinking I'ma hold you on the brink until we sing. Fade like a bubble, rather have another drink, love. I'll drink up and disappear, cause honestly, you don't need me here. It's like you need it, can't defeat the fear. But now I see you can't believe, but I read it clear. Play me like an arse, I won't spend another evening here. Deep, the evening clears, drowning in stark. Just know you clouded my guts, going down on this love. But now I sit in a hurry, worry nuts that I bust. Knowing you only went down to so what the fuck is up? You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know what I'm looking for. You don't know, c'était Lloyd Carner à l'instant. La Tête au Carré sur France Inter. Alors, comment va votre hanche aujourd'hui? La fracture n'est pas trop douloureuse? C'est long, je m'en rappellerai de cette plaque de verglas. J'ai déjà 60 ans. Un peu d'exercice, et vous verrez, ce sera vite oublié. Mais attention aux clichés! Un tiers des fractures de la hanche chez les hommes est lié à l'ostéoporose. Et le risque d'une deuxième fracture est le même pour les hommes et les femmes. L'ostéoporose est sous-diagnostiquée chez les hommes car considérée comme une maladie féminine associée à la ménopause. C'est donc ça, parler de genre. Et c'est le thème de la Tête au Carré, genre et santé, cet après-midi avec Catherine Vidal, Muriel Sall et Aude Bernheim et vos messages sur le site de l'émission. Alors il y a Jean qui nous dit ceci, je me fais l'avocat du diable, il a bien raison. Comment expliquez-vous alors que l'espérance de vie des femmes soit supérieure à celle des hommes? Alors même chose, tout à l'heure Muriel Sall nous disait, les femmes vont plus souvent chez le médecin que les hommes. Donc tout ça est très contre-intuitif, Catherine Vidal. On pourrait s'attendre à ce que les femmes soient en bien meilleure santé du coup, ou mieux prises en charge que les hommes. Bon, elles vivent plus longtemps pour un certain nombre de facteurs qui sont très complexes. Hein. Ce n'est pas justement uniquement des facteurs biologiques, mais également le fait qu'elles se soignent un peu mieux que les hommes, puisqu'elles vont consulter davantage. Alors, hélas, c'est tellement triste de voir à quel point certaines personnes, hommes, refusent d'aller chez le médecin. Enfin, dans notre vie quotidienne, on en connaît, je pense, un certain nombre. C'est un phénomène qui est très important. Il faut vraiment se dire, bon, j'ai quelque chose qui ne va pas, j'y vais pour être mieux soignée. C'est tout simple. Bon, mais le fait qu'elles vivent plus longtemps que les hommes, hein, environ il y a 6 années de différence... 85,4 ans pour les femmes, vous rappelez les chiffres, en 2016, et 79,4 ans pour les hommes. Voilà. Donc, il y a aussi le fait que dans les activités professionnelles, elles ne sont pas soumises aux mêmes nuisances de santé que les hommes. Il y a tout un ensemble de choses justement qui relèvent de la biologie, de la sociologie et aussi des conditions économiques. Mais ce qu'il y a également, c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais elles vivent plus longtemps en mauvaise santé. Avec les facteurs de morbidité. Voilà, elles sont plus souvent malades, plus souvent en mauvaise santé. Et l'espérance de vie en bonne santé entre les femmes et les hommes est de l'ordre de 63 et 64 ans. Donc, c'est quasiment la même chose. Mmh. Mais les femmes vivent plus longtemps, mais en mauvaise santé. Ouais, c'est parce qu'elles vont voir plus souvent le médecin, non ? C'est peut-être pour ça. Muriel Salle, un commentaire, justement ? Toujours là-dessus ? Oui, bah, je crois qu'effectivement, la réponse clé, c'est celle que Catherine vient de donner. Espérance de vie, c'est une chose. Espérance de vie sans invalidité, c'est autre chose. Mm-hmm. Il n'est qu'à voir la population des établissements hospitaliers qui prennent en charge les personnes âgées dépendantes. La personne âgée dépendante, en réalité, c'est une femme. Et avec les conditions de précarité, on le sait, hein, parce que les retraites féminines sont moitié moins importantes presque que les retraites masculines, ben, mm-hmm. les choses vont se cumuler. Et moi, peut-être je vais avoir l'air très pessimiste, mais je suis pas certaine que les femmes soient durablement, comme ça, bénéficiaires d'une vie plus longue par rapport à ce qu'on observe à l'heure actuelle, en tout cas. Ouais. Marie-Aude nous dit ceci, un corps féminin se soigne-t-il comme un corps masculin d'un point de vue purement biologique, Muriel Salle, est-ce que vous souhaitez répondre ? Ça dépend beaucoup, enfin ça dépend de quantité de choses, un corps féminin, un corps masculin. Si on était au 19e siècle, on croit que les corps féminins, les corps masculins sont différents les uns des autres, de la racine des cheveux jusqu'à la pointe des orteils. Aujourd'hui, je crois que c'est quelque chose d'important à faire passer. En tout cas, moi, j'essaye de l'expliquer à mes étudiants en médecine. Bien sûr, il y a des différences biologiques entre les hommes et les femmes, mais tout n'est pas différent entre les hommes et les femmes. Enfin, je vais donner un seul exemple. Les organes, par exemple, non ? Par exemple, le foie. Oui. Le foie dont on découvre la fonction de stockage du glucose à la fin du 19e siècle. Mm-hmm. Un foie d'homme et un foie de femme, ça fonctionne tellement de la même façon qu'on peut même greffer un foie d'homme à une femme ou inversement. Mm-hmm. Donc, il y a des différences, mais tout n'est pas différent. Donc, un corps féminin ou un corps masculin, ça peut se soigner de la même façon ou pas, ça dépend ce qu'on soigne. Ouais. Justement, dans cette histoire aussi hein, du genre et de la santé, et on parlait tout à l'heure du sexe faible, vous disiez à quel point précisément on présentait toujours les femmes comme d'éternelles malades hein, aussi. Ah oui, mais ça c'est l'expression effectivement de Jules Michelet qui effectivement considère que grosso modo de la puberté à la ménopause, les femmes entre les règles et les grossesses passent effectivement l'essentiel de leur temps à être malades. Ce qui me paraît en fait aujourd'hui être une idée encore assez bien partagée. Hein. Catherine évoquait tout à l'heure la question de l'endométriose. Si la reconnaissance de l'endométriose par la Haute Autorité de Santé est très récente, c'est 2016, hein, ça s'explique notamment par le fait que l'idée est installée précocement chez les femmes elles-mêmes. Que ben, c'est normal d'avoir mal pendant ses règles, c'est normal de se sentir affaibli, et c'est la raison pour laquelle il faut par exemple 8 à 10 ans pour qu'une endométriose soit diagnostiquée correctement. Les femmes portent ce regard-là souvent sur leur propre corps, et ça c'est un regard situé dans le temps et dans l'espace. Il voilà, y a cette idée aussi de la physiologie féminine qui est lue au prisme de l'utérus, hein, c'est ce que vous rappelez finalement, et qu'on associe encore à l'hystérie pendant encore aujourd'hui ça, selon c'est... vous. Ça, c'est, à mon avis, c'est quand même une idée qui a vécu et qui, si elle continue d'exister, existe dans des savoirs populaires et plus dans des savoirs médicaux, en tout cas, je l'espère. Mais c'est une idée qui est encore cours dans beaucoup de savoirs populaires. On le voit quand on s'interroge sur la mauvaise humeur ponctuelle d'une collègue. On impute ça à ses règles. C'est des commentaires sexistes, mais c'est des commentaires qu'on entend et qui sont certainement un peu révélateurs d'une espèce de culture populaire sous-jacente qui persiste. Ouais. Et on pourrait donner d'autres exemples. Hein. Aude Bernheim, comment on fait bouger les choses ? Alors, parce que c'est ce que vous essayez de faire, vous, hein, concrètement, au travers d'une association comme Wax Science, hein, pour essayer de faire un peu bouger et de casser ces stéréotypes. Moi, ce que je pense qu'on a bien senti au cours de l'émission, c'est à quel point c'est subtil. On n'est pas dans du 50%, il faut absolument des chiffres comme ci, ou tout est en défaveur des femmes. Et je pense que c'est une prise de conscience assez généralisée qui a déjà été évoquée, de l'information, des cours comme ce que donne Muriel Salle, qui devrait être un peu généralisé, pour qu'il y ait une meilleure connaissance de ces sujets, donc qu'il y ait une connaissance qu'il y a des différences qui existent, mais que ces différences ne sont pas forcément toutes plus évidentes les unes que les autres. Et un aspect que je voudrais juste mentionner et qui est là encore assez subtil, c'est l'importance de prendre en compte cela dans la recherche. Typiquement, aujourd'hui, les connaissances avant même la recherche appliquée, les médicaments, c'est la recherche fondamentale et la façon dont on comprend les processus fondamentaux. Et un exemple, c'est que dans beaucoup d'études, le sexe ne va pas être précisé sur, par exemple, les lignées cellulaires utilisées. Or, cela peut être similaire, comme on l'a dit, ou différent, et du coup, le préciser est important. Ouais. Et du coup, plus les soignants, plus les chercheurs sauront ça, plus on pourra espérer que ça bouge. Cécile nous dit les femmes consultent plus souvent, certes, mais merci de préciser que dès leur jeunesse, elles sont quasi obligées, contraception, accouchement, ce qui évidemment ne concerne pas les hommes, Catherine Hidal. Hein. C'est vrai que c'est bon de le rappeler. Oui, c'est l'importance de ces facteurs socio-culturels est fondamentale si on veut bien comprendre les sources des inégalités de santé entre les femmes et les hommes. Et donc, il faut un effort, mais vraiment très important, de formation des personnels soignants, un effort de formation également des chercheurs, mais il nous faut aussi interpeller les politiques pour qu'ils permettent un accès plus facile aux soins des personnes en situation de précarité et qui sont aussi victimes de violences très souvent. Avec ces représentations, vous disiez que nous avons bien intégré sans nous en rendre compte hein, et tous ces clichés qu'on véhicule extrêmement facilement. Pour aller plus loin dans la réflexion, ce livre « Femmes et santé, encore une affaire d'homme ?» c'est chez Belin dans cette collection « Égal à égal » Muriel Salle et Catherine Vidal. Vous signez cet ouvrage. Et puis il y avait également ce numéro de « Science et santé », le magazine de l'INSERM sur le sexe et le genre. Il suffit d'aller sur le site de l'INSERM pour lire ce document et ce dossier, mieux soigner les femmes et les hommes. Merci beaucoup à tous les trois. Merci au bureau de Lyon pour ce duplex avec Muriel Salle. C'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Fanny Boyon qui réalisait cette émission, Thierry Dupin pour la programmation musicale. Et dans un instant, bien sûr, vous retrouvez Fabrice Drouel avec Affaires Sensibles. Bonne journée, à demain.